s'est pointé en fin de soirée, ça fait deux jours qu'il avait pas bouffé. Il était rond et mort de froid, pas lavé, un œil au bernard. Il avait du soude sur la gueule, histoire de se rendre encore plus noir. Ça faisait 4 ans qu'on l'avait pas vu, mais ce bougre-là, on l'a de suite reconnu. Il a même pas eu le temps de demander si on pouvait l'héberger. Il a de suite piqué du nez, et sur sa fille il a gerbé. Il avait rongé à 28 ans, il était pas frais. Il était tout défiguré, le froid avait creusé ses plaies. La société consommation l'a pressé, la cinglée lui a tiré tout son pognon. Et pourtant y'a pas si longtemps, mais mon pote c'était un gagnant. Un froid, un rond dedans, avec une femme et des enfants. Si on prend pas vite les devants, et tant que les gens aimeront l'argent, il y aura toujours les mêmes perdants. Et ne vous croyez pas protégé, votre vie bien simple et vite ruinée. Ça peut arriver à n'importe qui, au meilleur comme un abruti. Woodboy, affirme tes opinions. Hey Woodgirl, aime ton gars à la front. Hey Woodboy, relis trois fois ta leçon. Hey Woodgirl, t'arrêtes pour passer à l'action. Mais n'oublie surtout pas pourquoi tu es là. Et n'oublie pas que le sky est une musique de combat. Et n'oublie jamais pourquoi tu t'es marginalisé. Et n'oublie jamais pourquoi tu es cette société. T'as bien retenu la leçon. Pas tard, on a pigé rien qu'à le voir. Ses 4 années dans le brouillard avaient ruiné tous ses espoirs. Dans notre grenier, il s'est achevé, il avait même pas envie de remonter. Putain de machine à consommer. Et encore un que t'as enterré. Mais on va pas se laisser faire, ça va finir par une bonne guerre. Réfléchis et réfractaire, ne m'en font pas l'effet divers. Mais on va pas se laisser faire, ça va finir par une bonne guerre. Réfléchis